Bonne quarantaine de minutes sur Vivacité. Tiens mon amour, un cadeau pour notre anniversaire de mariage. Oh, un collier en diamant avec une petite clé. Oh, c'est la clé de ton cœur, c'est ça, hein? Non, c'est juste une villa à Ibiza. Ah, bon, c'est bien aussi. Ce mardi, jackpot incroyable de près de 141 millions d'euros. Jouez dans votre point de vente, en ligne et sur mobile via iloto.be. Euromillions, devenez scandaleusement riche. Le 8-9 commence maintenant avec Benjamin Maréchal. Bonjour tout le monde, mais alors je reste marqué par ça. Kim Kardashian ligotée, on lui a volé 10 millions de bijoux. Julie Compagnon, combien de millions de bijoux sur vous ce matin? Oh ben j'ai juste deux boucles d'oreilles, enfin une boucle, ah ouais, enfin non, là, on deux, pas une au paire million. De boucles d'oreilles, non, je vais y arriver. Vous avez un truc de valeur sur vous Jérôme, c'est pour un sondage? C'est un coup de Charles Michel, il reste plus que 4 milliards 290 millions à trouver. Ah c'est vrai, si on revend la blouse de Sarah de Padua qui a du brillant, ouais. Ce matin c'est du vrai diamant. Il y a des paillettes mais c'est on tout du arriver. Faux, mais c'est ah pour ouais. faire joli. Mordez un peu dedans, Julie, pour voir si c'est du vrai diamant aussi. Ah non, c'est de la bonne paillette en plastique. Ah, c'est de la paillette en plastique. Vous avez des bagues... En parlant de paillettes. Ah, paillettes. Monsieur Grandjean, montrez vos bagues. Un piercing en or, mais je ne vous dirai pas où. Si. Ne mordez pas. Ça s'appelle un prince Albert. C'est le piercing. Madame est connaisseuse. Le piercing vient vers moi. Non, calmez-vous, météo. Et ensoleillé, Picard. Les surgelés Picard, chaque jour un goût nouveau. Picard.be. La breloque qu'on l'appelle le grand Jean Denis, parce qu'il a plein de trucs sur lui. Et vous? La question, c'est de... Ben écoutez, moi non, j'ai les bijoux de famille, mais ils sont bien en place. Oui, bon, on m'en voilà. a beaucoup parlé. Oui, on en parle beaucoup, comme des nuages bas ce matin qui sont bien présents. Il y a des éclaircies sur les hauteurs, donc au-dessus de 300 à 400 mètres d'altitude. Là, eh bien, on a un petit peu un privilège d'avoir quelques éclaircies. Les nuages finiront par arriver aussi sur le centre du pays. Ce sera un petit peu plus long à se mettre en place, mais finalement, quelques éclaircies en fin de journée. 14, 13 à 17 degrés pardon, pour aujourd'hui. Demain, le soleil sera généreux pour tout le monde. Le temps restera sec comme aujourd'hui et on ne dépassera plus 10 à 15 degrés. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, une double inquiétude après la vaste restructuration annoncée par ING. L'inquiétude évidemment du personnel d'ING qui risque de perdre son travail. L'inquiétude aussi des clients qui n'effectuent pas leur opération bancaire sur Internet et qui craignent de voir leur agence disparaître. Moi je suis désolé, il faut un contact physique avec les gens. C'est très important, ah oui. Et c'est malheureux de remettre des machines au lieu des humains. Reportage à suivre à Charleroi. Nous nous intéresserons aussi à la manière dont le personnel licencié peut espérer retrouver un travail dans le secteur bancaire ou ailleurs. Des cours de gym mixtes dans les écoles secondaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'idée d'Isabelle Simonis, la ministre pour l'égalité des chances, pour lutter dès le plus jeune âge contre les inégalités hommes-femmes. La semaine de l'allaitement, nous rappellerons les bienfaits du lait maternel pour les bébés et nous verrons que les papas peuvent aussi s'impliquer durant cette période du début de la vie. Premier entraînement des Diables Rouges en vue des prochains matchs qualificatifs pour le Mondial. Les Diables ont désormais pris leur quartier au Centre National d'Entraînement de Tubize. Nous irons voir ce qu'ils pensent de leur hôtel. Comment limiter le nombre de licenciements chez ING? La riposte s'organise. Le gouvernement fédéral et les syndicats ont décidé de mettre en place une task force, un groupe de travail. Charles Michel et son équipe ne peuvent pas faire grand-chose pour faire changer ING d'avis. Tout juste apporter un soutien aux syndicats en mettant à leur disposition des experts. De nombreuses réunions auront lieu dans les syndicats durant toute cette semaine et vendredi, des actions de protestation, une grève et un rassemblement devant le siège d'ING à Bruxelles. Plus de 3000 emplois menacés chez ING, la moitié seront des licenciements et le mois dernier c'est AXA qui annonçait la suppression de 650 emplois. Ça va faire beaucoup de personnes issues du monde bancaire qui vont se retrouver sur le marché de l'emploi. Ces personnes ont-elles une chance de retrouver du travail? Tout dépend évidemment de l'âge et des qualifications. Stéphane Theiss est responsable de l'Observatoire bruxellois de l'emploi pour Actiris. Pour lui, tous les employés ne retrouveront pas forcément une place dans le secteur bancaire. Mais ils pourront peut-être retrouver une activité dans d'autres secteurs. Il faudra pas nécessairement considérer des réorientations professionnelles. Et une économie comme l'économie de la région de Bruxelles Capitale offre une gamme d'emplois extrêmement variée au niveau des activités tertiaires, mais qui se situe aussi fréquemment dans le secteur non marchand. Quelqu'un issu du secteur bancaire ou du secteur financier ou de l'assurance n'aura pas nécessairement le réflexe spontané d'aller chercher des offres d'emploi dans le secteur non marchand bruxellois, qui pourtant pourrait, dans certains segments, être tout à fait intéressé par leur profil, même si les grilles salariales ne sont pas précisément identiques entre les deux secteurs. Mais en attendant, il y a des opportunités d'emploi. Et il y en aura encore demain, comme il y en aura encore dans le commerce, comme il y en aura encore dans toute une série de fonctions de cadre, notamment à Bruxelles, hors secteur bancaire, parler de GRH, de communication, de secrétaire commercial, tout ça sont des fonctions qui sont demandées de manière permanente et continue à Bruxelles, et pour lesquelles il y aura évidemment des opportunités de reconversion pour les personnes concernées par ces vagues de restructuration. Stéphane Theiss de l'Observatoire bruxellois pour l'emploi, interrogé par Miguel Allot. Il n'y aura pas que des pertes d'emplois chez ING et Record Bank, il y aura aussi la suppression de la moitié des agences. La raison, de plus en plus d'opérations bancaires se font via Internet. Mais certains clients restent attachés à leur banque et ne veulent pas entendre parler d'Internet. Oh non, je n'emploie pas Internet. Je n'ai pas trop confiance. Je le dis franchement, quoi. Je préfère venir à la banque, au guichet. Il y avait l'agence près du parc, là-bas, ils l'ont fermée. On ne comprend pas pourquoi. Il y a une autre petite agence, là. Les trois quarts du temps, elle est fermée. Alors, on est obligé de venir ici. Bon, moi, sur Internet, déjà premièrement, je n'ai pas Internet. Versement, mais je viens toujours le faire ici en banque. Et je trouve que c'est important. Moi, je suis désolé, il faut un contact physique avec les gens. C'est très important, très important. Ah oui. Et c'est malheureux de remettre des machines au lieu des humains. Reportage de Grégory Faube hier après-midi à Charleroi. Dans l'actualité également, fini de séparer les garçons et les filles pour faire du sport à l'école. Les cours de gym seront bientôt mixtes dans les écoles secondaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est la volonté de la ministre pour l'égalité des chances, Nathalie Servet. Le but d'Isabelle Simonis, c'est d'aller vers une égalité plus grande entre les hommes et les femmes. Oui, nager, courir, faire du volley ou des poiriers filles et garçons ensemble, c'est une manière, selon la ministre, d'accélérer cette égalité entre hommes et femmes. Dans la pratique, est-ce une bonne idée? Cela dépend, selon Michel Demazy. Il était prof de gym à l'Institut Saint-Michel de Neuchâtel. À l'époque, il a donné des cours de gym mixtes. Pour lui, cela dépend du sport et de la manière de le donner. Dans les activités, je vais dire, de ballon, par exemple, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a quand même une force physique, il y a quand même une vitesse de déplacement, il y a quand même peut-être même une habileté qui est parfois supérieure chez les garçons. Mais voilà, si vous avez tenu compte de tout cela dans la préparation de votre cours, ce sont des choses qui sont gérables. Gérable, oui, mais pas toujours facile à appliquer. Selon cet ancien prof de gym, certains élèves sont réticents, voire complexés. Moi, je me souviens d'avoir discuté il n'y a pas tellement longtemps avec un adulte qui me disait, pour moi, me mettre en maillot de bain, c'était une jeune dame, pour moi, me mettre en maillot de bain dans un cours mixte, c'était une torture. Et elle subissait des moqueries parce que à son âge, elle était déjà un petit peu forte, etc. Donc, moi, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Mais cette idée, la ministre pour l'égalité des chances et le droit des femmes compte bien la mener jusqu'au bout. Sa proposition est sur la table du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une information détaillée ce matin dans le journal L'Écho. C'est la semaine mondiale de l'allaitement. Et c'est l'occasion de rappeler les nombreux avantages du lait maternel pour le bébé. Il protège contre les infections et les allergies. C'est aussi un moment privilégié entre le bébé, sa maman et aussi son papa. Bénédicte Allier nous l'explique. Sophie, 27 ans, a choisi d'allaiter son premier enfant. Pendant sa grossesse, elle a participé à différentes séances d'information, dont une spécifique liée à l'allaitement. Ça permettait d'avoir déjà un préambule théorique en tout cas, mais après forcément dans la pratique, c'est jamais pareil. Donc c'est la découverte à deux, pour lui et pour moi, avec l'aide du papa. À la clinique Saint-Vincent, à Recours, Christine Vallée, sage-femme, est également consultante en lactation. Elle accompagne les mamans avant et après l'accouchement. Moi, je ne donne pas une image de l'allaitement toute rose. Au départ, il y a beaucoup de difficultés, pour certaines. Il y a des mamans qui voudraient qu'on leur dise ce qu'elles doivent faire. Et c'est à elles de prendre leurs décisions. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est essayez, et si ça ne va pas, de toute manière, je vous accompagne pour arrêter. Au-delà des bienfaits pour la santé de l'enfant, l'allaitement favorise également la formation des liens affectifs. affectif entre la mère et l'enfant. Mais la question de l'allaitement maternel pose aussi celle du rôle du papa. Christine Vallée. Tout à fait. À 60 à 70% de la réussite de l'allaitement, c'est le soutien et l'image positive que le papa a envers la maman. Au début, c'était pas facile. Diab est papa d'un bébé de 4 mois, nourri dans un premier temps au lait maternel. C'est comme un sacré boulot d'allaiter. Depuis quelques semaines, Diab, lui aussi, nourrit son enfant. Au moment où maman se repose, moi je donne les biberons. C'était un moment de partage. C'est que du bonheur. Il est 8h08, le réquisitoire aujourd'hui au procès de Bernard Westphal. L'avocat général va tenter d'influencer les jurés, leur conseiller le verdict et la peine appliquée à l'ancien député wallon. Normalement, le jury ne devra répondre qu'à une seule question. Oui ou non, Bernard Westphal est-il coupable du meurtre de sa femme? Il ne sera pas question de préméditation, pas question non plus de coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Après le réquisitoire, la défense de Bernard Westphal prendra la parole, sans doute demain. L'avocat Jean-Philippe Mayence a demandé à pouvoir plaider durant 5 heures. Le verdict est attendu pour jeudi soir. Actualité internationale avec Washington qui suspend ses pourparlers avec Moscou à propos de la Syrie. Les États-Unis se disent à bout de patience. Le dialogue sur le cessez-le-feu est impossible. Cela fait 11 jours maintenant que le régime syrien, aidé par la Russie, bombarde la partie rebelle de la ville d'Alep. Des frappes qui ont détruit hier le plus grand hôpital du secteur. Sur le réseau social Twitter, une petite fille de 7 ans appelle à l'aide. Aline Moivray nous raconte le quotidien de cette fillette. Cette petite voix, c'est celle de Bana. À part les cernes qui soulignent ses yeux, elle ressemble à n'importe quelle petite fille de 7 ans. Sauf que sa réalité est celle-ci. La guerre à Alep depuis plus de 5 ans. Les tirs, les bombardements. Sur Twitter, elle lance avec sa mère, Fetama, des appels à l'aide, comme des bouteilles à la mer. Nous avons peur. Tout a commencé quand Bana demandait à sa mère pourquoi personne ne leur venait en aide. Depuis, elle documente leur vie à Alep avec des vidéos filmées dans l'appartement de la famille. Des tranches de vie. Bana ne va plus à l'école, alors pour tuer le temps, elle colorie, joue avec ses frères ou apprend l'anglais. Ce dinosaure vivait il y a très longtemps. Il a de grandes mâchoires. On y voit aussi Bana devant une fenêtre, les mains sur les oreilles, pour étouffer le bruit des bombes. Sur leur fil Twitter, ces messages et ces vidéos côtoient des images d'Alep que l'on n'ose plus montrer depuis bien longtemps. Parmi les 350 personnes tuées en une semaine dans l'est d'Alep, près d'une centaine étaient des enfants, selon l'UNICEF. Le Parlement européen va voter ce midi l'accord conclu l'hiver dernier à Paris lors de la COP21. Ce vote va permettre la ratification de cet accord sur le climat par l'Union européenne. C'est une procédure accélérée. En temps normal, l'Union ratifie ce type d'accord après la ratification par chaque État membre. Mais ici, il y a urgence. Les Européens, qui ont longtemps été à l'avant-garde de la lutte contre le réchauffement climatique, sont maintenant à la traîne par rapport aux États-Unis, à la Chine et à l'Inde, par exemple, qui ont déjà ratifier cet accord. Accord, rappelons-le, qui vise à contenir le réchauffement climatique sous le seuil de 2% par rapport au niveau pré-industriel. Et à propos de climat, l'ouragan Matthew se dirige vers les Caraïbes. Ses vents à plus de 200 km par heure vont frapper Cuba et Haïti. Plus de 300 000 Cubains ont été évacués. On craint de gros dégâts. Un homme a déjà perdu la vie et un autre est porté disparu. 8h11, 8-9 Sport avec les Diables Rouges qui ont entamé hier leur préparation pour le match Belgique-Bosnie et pour le match Gibraltar-Belgique vendredi et lundi prochain. 21 joueurs sur le terrain et quelques-uns aux soins comme Romelu Lukaku par exemple ou encore Steven Defour ou Moussa Dembélé alors que Rajan Nainggolan lui n'est arrivé qu'en soirée. Du coup, trois Diablotins ont renforcé le groupe dont Youri Tielemans. L'Anderlechtois restera avec l'équipe A les trois prochains jours. Le temps pour Roberto Martinez d'évaluer l'état de Nainggolan et de Dembélé, les joueurs les plus incertains pour vendredi contre la Bosnie. Les Diables se sont en tout cas enfin installés à Tubize, the place to be désormais, le reportage de Pascal Chimé. Après quelques entraînements éphémères à Tubize sous la houlette de René Van der Eyken en 2008, cette fois les Diables Rouges ont pris clairement possession du centre Euro 2000, des terrains d'entraînement et un hôtel qu'ils apprécient, Nasser Chadli, Steven Defour. Les installations sont très bonnes, j'étais un peu impressionné. Je pense que c'était important pour nous d'être dans un milieu vraiment professionnel et ça va nous faire du bien. Ben, il est beau, il est moderne. Ils sont en train de faire tout pour qu'on puisse faire des grandes performances. Des infrastructures exclusivement pensées et agencées pour le football. Nasser Chadli. Le terrain est juste à côté de l'hôtel, les vestiaires aussi, donc c'est parfait pour nous. On peut aussi s'entraîner individuellement dans la salle de fitness, donc c'est vraiment bien. C'est vraiment un hôtel football, c'est simple et c'est cosy. Fini les déplacements fastidieux de l'hôtel vers le centre d'entraînement et vice-versa, plus de temps perdu dans les embouteillages. Les joueurs apprécient, eux qui étaient aussi demandeurs d'une certaine forme de confort, loin du va-et-vient d'un hôtel traditionnel. Christian Benteke. On avait aussi besoin d'un endroit privé où on se sent un peu à l'écart des gens. Parce que quand on est à l'hôtel, voilà, il y a les entrées, il y a les allers-retours des gens. Et des fois, ça fait un peu moins professionnel, on va dire. Et ne vous rendez pas à Tubize aujourd'hui si vous souhaitez voir les Diables. Leur entraînement se déroule à huis clos. En tennis, le tournoi Challenger de Mons commence véritablement aujourd'hui. Les qualifications sont terminées. L'an dernier, plus de 17 000 spectateurs s'étaient déplacés pour cette 12e édition. Les organisateurs espèrent évidemment faire aussi bien, grâce notamment à la présence de quelques joueurs de renom. Christine Anquet en a parlé avec la directrice du tournoi, Dominique Monami. On a des joueurs qui ont déjà eu de très beaux palmarès. On a un top 50 qui avait le 4e tour à l'US Open, Marchenko, Dustin Brown, qui est un Allemand que tout le monde connaît avec sa coupe Rasta. Et puis on a les Belges, il y a Steve, il y a Kimmer, il y a Ruben. Donc ce sont de très très bons joueurs et donc on aura une qualité tennistique à nouveau exceptionnelle, ce qui est un peu moins évident naturellement pour les joueurs belges parce que le tournoi est chaque année tellement fort. Mais celui qui arrive à passer, eh bien ça veut dire qu'il est très fort. Quatre Belges seront sur les terrains aujourd'hui, dont Steve Darcy en soirée contre le Suisse Kudinelli. David Goffin, lui, n'est pas à Mons. Il est trop bien classé pour participer à un tournoi Challenger. Et puis en cyclisme, la dernière course wallonne aujourd'hui. Binche, Chimé, Binche. Tom Bonnen et Greg Van Avermaet seront de la partie. J'ai cru que vous m'appeliez à un moment Binche, Chimé, Binche. J'ai sursauté. Ah, c'est ça votre surnom, Binche? Oui. Ben voilà. C'est quoi votre surnom, Cricri? Ben voilà. Ben voilà. T'as tout compris. Ben, ça va, Ben. Et Juju est là. Ouais, je suis là. Ouais, et ça aussi. Et tout va bien. Ça. Il y a même Fafa. Fafa. Fafa Le Castel qui arrive dans une seconde. Le temps de vous signaler que Renault a redémarré donc une tournée. C'était ce week-end à Paris. Rassurez-vous. Qui est notre invité ce matin? C'est pas Renault, non, c'est tout un spectacle qui lui est consacré. Ça s'appelle Le Petit Monde de Renault. Et le comédien qui viendra tout à l'heure, Guillaume Cramoisan, a pris dans les chansons de Renault tous les personnages. Donc il y a Manu, il y a Pépette, il y a tout l'univers aussi, le HLM, le terrain vague. Tout l'univers de Renault dans un spectacle qui passe à Welkenrad, à Moucron, à Nivelles, à Gilly, à Namur, dans Le Petit Monde de Renault. Ils seront nos invités tout à l'heure. Dans l'immédiat. Tatatin, 8h15. Merci. Ça, c'est de l'imitation. 8h15, Cactus. Et c'est évidemment le licenciement massif chez ING Belgique qui est évoqué. Oui, parfaitement, Benjamin, encore des milliers de licenciements. Monsieur Michel, une réaction à ce nouveau drame social chez ING cette fois. Voilà, je ne savais pas quel était le problème. Figurez-vous que j'ai voulu retirer 4 milliards d'euros au Mr Cash chez ING hier. Et je ne sais pas pourquoi ça a bloqué. Ça, c'est ballot, ça, vraiment. Bon, monsieur Michel, vous savez, l'heure est grave. Hein. Mais écoutez, certes, le tableau semble noir, mais vous savez, les gens retrouvent toujours du travail. Oui, enfin... Ce n'est quand même pas la crise, non plus. Comment ça, pas la crise? Mais bien sûr que non. Mais même si vous êtes une femme, même si vous avez plus de 55 ans, vous pouvez retrouver du travail sans aucun problème. Ah ben ça, je serais curieux que vous me donniez un exemple, hein, comme ça... Joël Milquet. Ah ouais, c'est vrai. Et ça. Puis cette digitalisation sera salutaire pour ING, mais aussi pour les pays du tiers-monde. Ah bon? Pensez à ces milliers de petits Taïwanais qui pourront assembler les pièces des nouveaux guichets automatisés. Ouais. Et pour eux, 3 euros de plus par mois, ça compte. N'est-ce pas cela la solidarité? Oui, c'est ça. Certainement, certainement. Alors avec nous, le président néerlandais de la banque ING, Hendrik Krabbe van Krabbendijk. Goedendag allemaal. Hendrik Krabbe van Krabbendijk. Oui, monsieur Krabbe van Krabbendijk. Oui. Krabbe van Krabbendijk, alsjeblieft. Uw accent. Excusez-moi. Gegemeldelijk, gegeval. Oui, pardon. Ik ben Nederlands, alsjeblieft, niet Vlaams. Ja. Vlaams is de barakie van Hollande. Ja, bon, vous m'êtes presque sympathique tout à coup. Bon, alors, nous aimerons connaître la véritable raison de cette restructuration. Vous êtes en bénéfice, le chiffre d'affaires est excellent. Ja, maar in Nederland, nous des projections avons fait. Oui. Elle a aussi important trop. La hausse? La hausse de quoi? Ah, le prix des crevettes. Pardon. Garnalend prijs, 60 florins per kilo, pas op, te veel is te veel. Excusez-moi, mais qui va croire ça? Niemand, maar quand je entendre l'excuse pour Caterpillar et Arcelor, ça m'a dit que ça est mieux de dire ça plutôt que de dire qu'il faut un bateau plus grand. Ah ouais, d'accord. Mais surtout, nous proposer un nieuw service personnalisé à notre aimable clientèle et ça coûte très cher. Ah, et quel genre de service? Plus de service du tout. Ah bon, notez que ça ne change pas grand-chose tout de même. Hein. Monsieur Magnette, là, vous, oui, vous avez réagi. Excusez-moi, je dois encore envoyer des photos dédicacées aux nouvelles jeunes membres du PS que j'ai alpagué au congrès dimanche dernier. Ah oui, et vous envoyez ces photos où? Aux pensionnaires des hommes de Jumet. D'accord. Bon. Alors, donc, ING, monsieur Magnette, ING. ING, c'est une honte. Le CEO gagne 40 fois ce que gagnent ses employés. Nous avons dès lors décidé l'instauration d'une task force pour. Excusez-moi, je suis en retard pour ma conférence. Rajeunissement et perspectives d'avenir pour un nouvel élan du socialisme militant. Et le centre de gériatrie de Marcinelle vient d'ouvrir. Bon, alors, est-ce que quelqu'un défend encore les travailleurs dans ce pays? Combattons le libéralisme! Voilà. Effrénés, camarades, oui, oui. Boycottons tout ce qui vient des États-Unis, du Hollande, d'aide, oui. Du monde extérieur. Ne nous nourrissons plus que de fromage de Herf et de sirop de Liège. Oui. Et que chaque Belge achète des armes de la FNR-Stahl. Non, enfin, mais non. Détruisons Monsieur Patate et que le prince puré devienne le symbole de la lutte de l'anticapitalisme. Non, monsieur Goblet, on ne va pas s'en sortir. Hein. Pourriez-vous me rappeler de rédiger un nouveau projet de loi prenant l'IVG? L'IVG obligatoire. L'IVG obligatoire, mais vous êtes fou. L'IVG, l'interruption volontaire de gobelet. Ah. Et s'il le faut, j'y vais à l'aiguille à tricoter. Oui, oui, ça va. Bon, alors, mener Krab van Krabendijk, alors. Il y a Krab van Krabendijk. Ah, oui. Oui. Quelles sont les mesures d'accompagnement qui ont été décidées? Il y a déjà fait pour qui prendre, nous. D'abord, nous avons proposé aux employés de garder leur poste, oui. Mais sans salaire et sans chaise pour s'asseoir. Oui. Les Hollandais ont dit oui, les Belges non. Ah, bah, et puis, oui. J'ai pris des mesures d'accompagnement personnellement moi-même. J'ai accompagné tous les chefs belges du personnel à la porte. Merci. Bon, alors en tout cas, je vois déjà la scène qui se déroulerait aujourd'hui au guichet d'une banque ING. Bonjour, je suis un ouvrier de Caterpillar. J'ai été viré. Que puis-je faire? Rien, moi aussi. Au revoir. Oui, c'est terriblement le constat des 48 heures qui viennent de s'écouler, effectivement. Cactus à revoir sur la page Facebook de ce matin, disponible 24h/24 avec monsieur Fabien Lecastel. Voilà, qui est à la fois Renault et Marc Goblet dans le même corps. Renault. Pardon. Renault. Si la loi vous obligeait, Julie Compagnon, à sortir avec un homme, vous prenez Marc Goblet ou vous prenez Renault? Renault. Je crois qu'il est plus rock'n'roll. Sortir, j'irai manger avec lui, quoi. Non, sortir. Sortir, oh, boire madame, un verre. Madame bonne chrétienne, sortir, vous voyez bien ce que je veux dire. Sortir, moi, je fais les deux, si vous voulez. Voilà, vous avez tout pour le même prix. 8h20, c'est ça le 8-9. Chez Cora, 20 euros d'achat égale 1 timbre. 25 timbres égale de 5 à 7 euros de réduction. Timbré, non? Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Conditions en magasin. Et il est temps de jeter un œil sur vos conditions de circulation de ce mardi matin avec Serge, notre motard. Alors Serge, comment ça roule? Bon, il y a certains endroits où ça roule bien, d'autres où ça roule moins bien. Je vais vous en citer 2-3 où ça roule pas vraiment très bien. C'est le secteur Braine-l'Alleud-Terviren, comme très souvent ce matin. Par contre, là où ça roule mieux que d'habitude, c'est à la fin de la E40 pour arriver à Reyers. On n'a pas beaucoup de fil, on perd 4-5 minutes sans plus, alors que toute la semaine passée, ça a été beaucoup plus que ça. Beaucoup de monde sur les autoroutes, surtout sur la E40 venant de la mer, avec des fils depuis Ternat. Et alors, je vous rappelle ce chantier, avenue Franklin-Roosevelt, qui a commencé hier. Une bonne partie de l'avenue est mise à 2 fois une bande au lieu de 2 fois 2. Et alors, un nouveau chantier qui a commencé hier aussi, que j'ai pas encore été visité, mais j'irai tout à l'heure. C'est du côté de la porte de Nino. Il semblerait qu'il y a aussi des soucis de circulation. Merci beaucoup, Serge. On refait un point sur vos conditions de route d'ici un petit quart d'heure sur Vivacité. Restez avec nous. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Bonne nouvelle pour les futurs parents et jeunes mamans. Le Salon Baby Days se tiendra à Tour Taxi le 8-9 octobre. Découvrez toutes les nouveautés. Vous recevrez en plus des cadeaux, des échantillons et une photo gratuite de votre bébé. Baby Days à Tour Taxi le 8-9 octobre de 10h à 18h. Info babydays.be. Votre jardinerie pépinière Le Long Fond. Pépinière Le

Hier soir, la zone est donc bouclée en attendant le service de déminage de l'armée qui embarque les grenades avec toutes les précautions nécessaires vers 22h30. La police a de son côté dressé un procès-verbal contre l'intéressé pour détention d'explosifs. Les explications de Pierre Vandenbulk. Et puis, beaucoup de questions encore ce matin chez ING après l'annonce de la forte restructuration. Hier, 3150 emplois devraient disparaître et quelques 600 agences fermées. Du côté d'Actiris, par exemple, à Bruxelles, on affirme qu'il y aurait des possibilités de reclassement, notamment dans le secteur non marchand. Mais Stéphane Tay, c'est plus pessimiste par rapport à l'âge des futurs licenciés. Le secteur bancaire a une structure d'âge relativement vieillissante. Hein. On a près de 65% des travailleurs du secteur ont plus de 40 ans et près de 36% ont plus de 50 ans, ce qui va sans doute compliquer les opérations de reclassement, ça c'est certain. Mais là encore, il faudra voir comment se distribuera le profil des gens qui seront concernés par ces vagues de restructuration. Mais très probablement que nous aurons une surreprésentation de personnel plus âgé ou de plus de 50 ans. Stéphane Taïs, responsable de l'Observatoire bruxellois de l'emploi chez Actiris, joint par Miguel Allot. Une question qui fait débat à Bruxelles. Une maman voilée peut-elle accompagner la classe lors d'une sortie pour seconder le professeur à la piscine, par exemple? Eh bien, la réponse est non. Toute personne qui encadre les enfants doit afficher une neutralité, a rappelé hier la ville de Bruxelles lors du conseil communal. Un conseil auquel plusieurs parents d'élèves étaient venus assister pour exprimer leur mécontentement face à cette mesure. 8h33, la célèbre librairie Pêle-Mêle va subir un profond lifting, repenser l'espace et surtout créer un deuxième étage. L'institution vend des livres de seconde main, boulevard Lemonnier dans le centre-ville, mais le bâtiment est vieillot et manque notamment de lumière à l'intérieur. La demande de permis vient d'être acceptée, mais il reste du chemin, comme l'explique Étienne Opitz. Ce n'est que le début, donc il va falloir s'organiser pour les financements, s'organiser pour les travaux si les financements sont au rendez-vous. Et à ce moment-là, il faudra encore... Parce que le but, c'est quand même de rester ouvert, donc il va falloir phaser. Donc ça va demander toute une organisation. Ça va prendre un certain temps, donc je pense que ça ne pourrait pas être de façon raisonnable avant 2018. Pêle-Mêle, c'est un magasin qui a une fonction particulière, qui a aussi une histoire particulière. Comment peut-on résumer Pêle-Mêle qui stocke grosso modo 100 000 livres simultanément? C'est un petit peu comme si on surfait sur une vague de livres. En fait, les gens nous apportent des choses, on les trie, on essaie de voir ce qui se vend, ce qui ne se vend pas, et de surfer sur les indications que le marché nous donne. Et je dirais que d'une certaine façon, on est un peu précurseur, puisque maintenant tout le monde parle d'économie circulaire et de recyclage. Ça fait finalement des dizaines d'années qu'on le fait. Interview Karim Fadoul et vous pouvez découvrir ce projet sur notre site rtbf.be sur l'onglet Bruxelles. Et pour se rendre chez Pêle-Mêle ou ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser un monoroue, encore une trottinette électrique, mais encore faut-il pouvoir les maîtriser, ces nouveaux moyens de déplacement. Voilà pourquoi l'IBSR donne en ce moment une formation aux nouveaux adeptes. Sophie Merguen s'y est rendue. Reportage. Tous s'accordent à le dire, les Segway, monoroues et autres trottinettes électriques pourraient être l'alternative aux problèmes de mobilité dans la capitale. C'est pour mettre le pied à l'étrier que quelques 40 participants suivent la formation de l'IBSR. Je pense que c'est très important qu'avant de l'essayer dans la rue, de l'apprendre très bien, parce que ça peut être très dangereux. Nid de poules, bordures, autant d'obstacles qui peuvent rapidement provoquer une chute. Luc Nélissen, formateur. On n'est pas intéressé à avoir des casse-coups qui vont être un danger dans le trafic. Ils doivent savoir que les gens autour ne connaissent pas ces engins. La particularité de ces petits appareils motorisés, c'est qu'ils peuvent circuler à la fois sur le trottoir, sur la piste cyclable et sur la rue. Tout dépend de leur vitesse. Benoît Godard, porte-parole de l'IBSR. Les utilisateurs de ces engins doivent suivre les règles inhérentes aux cyclistes. S'ils se déplacent plus vite que l'allure du pas, et l'allure du pas, on y est vite, hein, c'est 5-6 km à l'heure, donc ça veut dire que la plupart du temps, ils vont se retrouver sur la route, d'où la nécessité, par exemple, de se rendre le plus visible possible. Pour les débutants, il est aussi conseillé de mettre un casque et des genouillères. Théoriquement, la vitesse des appareils est limitée à 18 km/h, mais dans les faits, on atteint souvent 20 à 25 km/h. Et l'interview du jour sur BX1, ce sera Rudy De Motte, l'interviewé du jour, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui vient de présenter son budget. Il est 8h36. Belle journée. C'est vous qui le dites, 9h et 3 débats sur la table. 3150 emplois liquidés hier. Sur le principe, est-ce que vous êtes d'accord avec le grand patron d'ING Belgique qui a dit « il faut créer son avenir et ne pas attendre d'en être victime ». Sur le principe, vous êtes d'accord ? Ensuite, le ministre de l'égalité des chances veut que le cours de gym en secondaire soit mixte. Fini les filles et garçons séparés. Est-ce que vous y voyez un problème majeur ? Et puis 58% des Wallons considèrent que lorsqu'une femme travaille à temps plein, la vie de famille en souffre. Une femme ne doit pas travailler à temps plein. D'accord avec ça ? Standard ouvert, Marion Jomotte. Oui, le standard est officiellement ouvert. Nous attendons vos appels au 070 233 466 ou par SMS au 3063 50 cents par message. Vous pouvez aussi commenter les trois débats sur notre page Facebook. Et on part sur la route à 8h37 avec Serge, notre motard. Alors Serge, quoi de neuf sur les routes ? Alors, de neuf, pas grand-chose. Je sors à l'instant du boulevard de la Wallue où, je rappelle, il y a deux chantiers. Quelques petits soucis de circulation, hein, avec toujours la fermeture du tunnel de la Wallue. Un autre chantier qui a démarré hier, c'est avenue Franklin-Roosevelt, hein, du côté de l'hippodrome de Boisfort. Et les ralentissements sont bien là ce matin. C'est mardi, c'est pas un bon jour. On a une grande perte de temps entre Braine-l'Alleud et Tervuren sur le ring extérieur. Quelques files également entre Grand Bigard et Zélic. Et sur les autoroutes, là aussi, c'est bien chargé, d'accord, principalement sur les 2 et 40, mais un peu moins de monde que d'habitude à Reyers. Très bien Serge, merci beaucoup, soyez prudents, patience et bonne route comme on dit. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Dormir, c'est important, mais ce n'est pas le moment. Durant tout le mois d'octobre, la Literie Libo vous propose toute la literie et accessoires hors TVA. Depuis plusieurs générations, la Literie Libo veille sur votre sommeil et chouchoute tous ses clients avec, en cadeau, la TVA offerte. Le rêve. Profitez-en. Literie Libo fête ses 90 ans. Rue de l'Étang à Etterbeek, à proximité de la place Jourdan. Les DS Brussels Fashion Days, le rendez-vous mode de l'année. Du 14 au 16 octobre, la mode belge vous invite au Square Brussels Meeting Centre pour 4 grands défilés, un pop-up de 30 créateurs, la présence des 10 écoles belges, des beauty bars et une after-party par les soirées Love. Prévente, ticketmaster.be. Avec DS Automobile, la Loterie Nationale et Viva Bruxelles. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise ? Moi, oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Direct, direct, direct. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. C'est moi, Hip. Je veux des petits prix. Je veux des promotions de folie. Je veux des offres de génie dans tous les rayons. Alors rendez-vous dans votre hypermarché Carrefour. En ce moment, achetez deux jeans pour seulement, bam, 12 euros. On n'a jamais vu ça. Dépêchez-vous, c'est le dernier jour pour en profiter. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Ah, c'est une matinée musicale ce matin. La preuve, c'est qu'il y a un grand retour dans l'actu musicale. Oui, le grand retour de Robbie Williams qui matche un peu ses morceaux avec de la musique classique de Prokofiev. On aura aussi Kid Noise. Kid Noise que vous connaissez peut-être, hein, parce que c'était la deuxième moitié de Joshua, les coachs de la première saison de The Voice. Oh, chantez-moi un peu de Prokofiev. Et on peut pas faire Sarah. Non, mais on peut pas faire on ça. On voit bien, ouais. Si, on peut. Non, mais pourquoi pas, bien pourquoi sûr, pas. On est à l'aise. Non, bah oui, voilà, de toute façon, personne ne sait ce qu'est du Prokofiev, donc on peut. Ah, Prokofiev. Prokofiev, bien sûr. Bien sûr. Et événement ce week-end à Paris. Renaud a démarré sa grande tournée, c'est qu'il est revenu avec ses problèmes de voix, son nouvel album. Renaud est de retour. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Eh ben, ça tombe pile poil, parce qu'arrive en Belgique, mais vraiment partout, à Welkenrade, à Moucron, à Nivelles, à Gilly, au Trocadéro à Liège, à Ottilien, à Namur, un spectacle qui s'appelle « Le petit monde de Renaud », tous les personnages des chansons de Renaud, tout ça remis en histoire et en scène, sur scène. Et qui vient nous en parler ce matin, c'est Guillaume Cramoisan, bonjour. Bonjour à vous tous. Bonjour. Et vous êtes le mec qui était dans PJ. Si. Vous êtes le... si, vous êtes bien. Il m'a vous êtes le mec qui était dans Camping Paradis. Ouais, j'en ai fait un, ouais. Ouais, je sais, hein. Vous êtes le mec qui était dans le profilage. Ouais. Ouais, vous êtes le mec qui a fait de la prison en 1990. Ouais, je suis partout. Ah, c'est lui, c'est lui. Donc c'est un spectacle, c'est ça le principe. Vous avez été prendre les personnages, le Manu par exemple, ou les scènes, le fameux HLM, et vous en avez fait non pas une comédie musicale, mais un spectacle musical. Voilà, en France, je préfère dire un spectacle musical, parce qu'il y a une vraie partition d'acteurs, il y a des vrais personnages, il y a des vrais... Renaud, il a croqué des personnages à merveille dans ses chansons. Et tous ces personnages, en l'occurrence, Gérard Lambert, Manu, Le Beau, Flatteigne, La Pépette, tous ces gens-là se croisent sur trois époques. Vous l'avez vu à Paris, ce week-end, Renaud ? Non, non, non, il était à Évry, en fait. Oui, mais je l'ai, tout le concert est sur YouTube, en fait. Il y a plein de gens qui vont... Ah ouais. Et vous avez regardé en pirate. Vous piratez Non, mais alors je ne pirate pas. YouTube, c'est pas pirate. Non, mais YouTube, c'est pas. Excusez-moi. Ah, c'est pas parce qu'on met sur YouTube que c'est pas pirate. Non, mais... On peut arrêter ce débat. Bon, Guillaume Gramoisin, mais vous êtes fan de Renault à la base. C'est ça le moteur. Fan. J'aime pas le terme. J'ai un immense respect pour. Voilà, pour ce qui nous a permis ce avec quoi il nous a permis de grandir, puisqu'on est dans cette génération où voilà, on a grandi avec son univers, avec son œuvre, et c'est quelque chose qui, depuis gamin ou adolescent, ça te quitte pas, et en fait, ça, je me rends compte que ça ne nous quittera pas jusqu'à très vieux, puisqu'on s'est un peu forgé là-dedans, quoi. On va voir jusqu'où va le mimétisme, puisque vous êtes venu ce matin avec la guitare, c'est simplement voir une petite tonalité de ce qu'est le spectacle. Vous avez la voix éraillée à la Renault, vous avez un chapeau, vous avez une veste en cuir, vous shottez dans des canettes sur les terrains vagues. C'est ça, mais j'y suis, on y est là. C'est ça, alors extrait de l'univers de ce spectacle qui s'appelle Le Petit Monde de Renault. Mes copains sont tous en cabane, ou à l'armée, ou à l'usine. Ils se sont rangés des bécanes, y a plus de jeunesse, tiens, ça me déprime. Alors pour mettre un peu d'ambiance, dans mon quartier de vieux débris, j'ai regroupé toutes mes connaissances intellectuelles, et c'est depuis que je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me fends la gueule. Je me balade en mobylette, on dirait l'équipe est sauvage. 15 décibels, c'est la tempête dans tout le voisinage. Parfois je croise la bande apéro, ils sont beaucoup plus nombreux. Ça bastonne comme à Chicago, c'est vrai que dans sa bande ils sont deux. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me fends la gueule. Ouais. Guillaume Cramoisin, vous avez vendu le meilleur public de Belgique. Mais oui. Ils ont bougé l'épaule comme jamais. C'est ça. Ah ouais. Un déhanchement chaloupé. Ah ça, Jérôme, vous étiez dans ça avec les stars à vous tout seul. Pour vraiment tout, tout seul. Hein. Alors, on fait les époques du spectacle. Donc, ça démarre dans les années 70, années 70. Là, votre plateau est un peu nu. C'est l'univers quoi, un peu vraiment rebelle de Renault à ce moment-là. Non, pas rebelle. L'univers, l'enfance quoi. Enfin, fin de l'enfance, juste avant le monde adulte où encore on se permet encore de rêver. De faire des conneries, de dire des choses, d'exister avec des étoiles un peu plein les yeux. Et donc, on est dans à la fois un terrain vague, une fête foraine. Ouais. Parce que le truc forain, c'est quand même cher à Renault. Donc, il y a des autotamponneuses, il y a une mob. Et puis, ça glandouille un peu, ça drague. Et ça fait des conneries jusqu'au point de faire une connerie qui serait un peu l'irréparable. Elle est enceinte. C'est la grosse connerie, ça. J'aurais fait la plus grosse. Non, elle va finir par être enceinte parce qu'il y a en cloque. Donc, c'est pour ça que je pense à ça. Ouais. Mais la grosse connerie, c'est pas ça. Elle tue. Il va y avoir un braquage qui tourne mal et un de nos héros va disparaître. Et on se retrouve dans le deuxième acte, dans les années 80-85, les années où on s'est un peu assoupi. Ouais, c'est les années HLM, c'est là qu'on parle du HLM. Ouais. C'est les années HLM, les années où t'as Reagan et Thatcher qui nous ont bien mis dans la tête qu'il fallait consommer pour s'assoupir encore plus et ne plus exister. Et là, il y a deux héros qui sont un peu en perte de vitesse dans leur couple, qui vont avoir un enfant. Et ça va se réanimer dans le HLM parce qu'il va se passer quelque chose qui va faire que... Racontez pas la fin. Renaud a vu ou il a pas vu ? Renaud a envoyé des espions. Des espions. Son frère est venu, ses frangines sont venues, des musiciens à lui sont venus. Mais... Ah, David Séchant, il dit j'y allais en marche arrière, mais genre vraiment les boulets, les mecs, j'y vais parce que j'ai pas le choix. Mmh. Et à la sortie, il a dit quoi ? Je sais plus ce que. Il a réfléchi. Il a dit allez-y. Mais c'est de dos, donc. Il a expliqué au début de la lettre que ce jour-là, il avait envie de manger des spaghettis, qu'il avait envie de voir personne. Il a vu le petit monde de Renaud, il a dit surtout allez-y, les spaghettis attendront, l'art, non. Ah, et vous avez envie que Renaud vienne ou vous n'avez pas envie qu'il vienne ? Ah si, j'ai très envie qu'il vienne. Parce qu'on a fait le petit monde de Georges Brassens il y a une dizaine d'années, on l'a loupé, forcément, il n'était pas là. Et là, c'est bien de faire un truc sur quelqu'un qui est vivant. Ouais, c'est vrai. Votre avis sur sa voix, il a plus de voix. Tout le monde s'affole avec ce truc, il a plus de voix. Il a plus de voix, je sais pas, je l'ai pas entendu en même temps. Donc je me demande si c'est grave pour... Bien sûr, lui, ça doit le peiner un peu d'avoir perdu un peu sa voix, mais je pense que c'est un type de toute façon qui a une telle puissance d'écriture, et encore aujourd'hui, que... Bon. Tout ça pour vous prouver que c'est un bel hommage. Donc ça s'appelle Le Petit Monde de Renaud. Je peux pas vous donner toutes les dates, mais ça démarre en gros le 18 novembre au Centre culturel de Welkenrade. Et puis il y aura Data Moucron, il y aura le Vauxhall à Nivelles, il y aura Gilly, il y aura le Trocadéro à Liège, il y a Otigny, il y a Namur. C'est la Belgique entière qui est envahie par Guillaume Cramoisan et toute la troupe. Vous êtes combien sur scène? On est 9 sur scène. Je voulais vous donner les petits cadeaux qui sont faits main. Ah oui, t'as des petites pochettes. À garder parce que c'est des Mistral gagnants qui ont été refaits à l'identique. Oui. Avec la petite poudre acidulée au citron. Ça arrache. Ouais, mais c'est bon. Mais si vous voulez, gardez-le comme ça. Ah ouais. Et fais main tous avec les soirs. Ah génial. C'est bien du sucre dedans, c'est pas. c'est de la poudre. C'est de la poudre blanche, mais je pense que c'est du sucre. Voilà. Colombie. Colombie, bien sûr. Guillaume Cramoisan. Les FARC, monsieur Maréchal, les FARC. Mais non, il n'y a plus. Ah ben non, il n'y a plus. Elles sont finies. Bonne journée, Guillaume Cramoisan. À bientôt en Belgique. Bonne journée à vous. Merci. Dans un instant, le Kikadi. C'est de la bonne. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. Jou, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Pourquoi il rigole? Lui aussi doit rouler en Skoda. On est toujours plus détendu que les autres. On se sent beaucoup plus détendu quand on roule en Skoda. Skoda offre 2 ans d'entretien et de réparation gratuit à la signature d'un contrat WeCare de 3 ans. Profitez aussi d'une Skoda Octavia Break à partir de 15 495 euros, prime de recyclage déjà déduite. Pour des offres complètement détendues, ne cherchez pas, c'est chez Skoda. Offre soumise à condition, plus d'infos sur skoda.be. Vous entendez? La fête continue pour les 25 ans d'Intermarché. Encore 4 semaines de produits gratuits et de super promos. Comme le Gouda jeune à moins 55%, soit seulement 40 cents les 100 grammes. Intermarché, depuis 25 ans, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Vivacité est là de présente l'Etias Trophy, le tournoi Challenger de Mons, le rendez-vous du tennis de haut niveau depuis 12 ans. Du 1er au 9 octobre, c'est au Lotto Mons Expo que les jeunes talents rencontrent des joueurs du top 100. Alors pour vous aussi, rendez-vous à Mons du 1er au 9 octobre avec le soutien de la Loterie Nationale, la Région Wallonne et la Ville de Mons. Rentrez aussi chez Suzuki. Mais oui, venez découvrir les nouvelles Baleno et S-Cross. Et puis vous essayerez la nouvelle Vitara. Vous pourrez même repartir avec elle dans votre cartable pour 14 799 euros seulement. Soit 4000 euros davantage. Info suzuki.be. C'est la rentrée aussi chez Suzuki. Le 8-9. Alain Sang, bonjour Pascal. Bonjour Benjamin. Vous ne parlerez pas à Jérôme car il est en train de finir le sucre. Mais j'adore. Son Mistral. Ouais. Vous êtes diabétique, Pascal? Non. Tant mieux. Tant mieux. Il y a du vrai sucre. Vous êtes une bouche à boule, une bouche à bonbons ou pas? Oui, très. Ah, c'est le piège. Très. Combien de caries, Pascal? Très beau. Beaucoup trop. Ah, ouais, c'est le drame du sucre. Hein. Autant de caries que de dents, ça c'est pas beau. Alors voici le Kikadi. Plus de chicots que de. Non, plus de chicots non plus. Plus de fausses dents que de dents réelles. Ah ben écoutez, maintenant que nous sommes intimes de la bouche, jouons. Kikadi, Pascal, il y a un cadeau à la clé, un mot imposé pour le live de vendredi. Kikadi, je reviendrai à la télé dès que mon film sera sorti. Philippe Risoli, qui reviendra à la télé. Patrice Lafont, qui reviendra à la télé. Nicolas Bedos, qui reviendra à la télé. Souhaitez-vous l'aide de Jérôme, de Julie ou de Sarah, Pascal? Je vais prendre Sarah. Ah, Sarah. C'est un bon choix, Pascal. Parce que je connais la réponse, je l'ai lu ce matin dans le journal. Eh bien, donnez votre avis. C'est Nicolas Bedos. Bon, vous êtes libre, Pascal, de suivre ou pas suivre? Eh bien, je vais suivre Sarah. Eh bien, vendu. Boum. Yes. C'est une victoire. Wow. Bravo. Merci. La radio Sana. Viva est à vous. La radio Orange Viva qui permet d'écouter toute la bande FM. Bon sang, Vénarde. Vous irez du 89.9. Oh, oui, comme ça, je pourrais vous avoir partout avec moi. Ça. 106.1. Ou même, je crois qu'elle va jusqu'au 107.1, figurez-vous. Bon sang de bon sang. Quel est le mot que vous imposez à Pat Allen pour le live de vendredi ? Parrainage. Pourquoi ? Parce que j'ai pensé à Cap 48 et puis entre le moment où j'ai parlé avec Pascal Michel lors de qui vous a rappelé pendant la téléphone. Oui, voilà. J'ai aussi pensé que c'était la journée mondiale des animaux. Ouais. Et comme, bon, je suis déjà pas mal entourée ici par deux chats et un chien qui voudrait notamment vous parler au téléphone, mais ça, je pense pas que ça va être possible. Mais passez-le-moi, passez-le-moi, on a un peu de temps, ça tombe entre bien. Entre animaux. Oh, tu saurais parler au téléphone? Non, tu veux donner ton biscuit à ben, ah non, voilà, elle veut vous offrir son biscuit. Comment elle s'appelle? Lady. Lady. Parce que nous cherchons des débatteurs pour c'est vous qui le dites, il me semble. Non, Lady veut m'offrir son biscuit, je n'en demandais pas tant. Pascal, parrainage, le clin d'œil oui, à Cap 48. Oui, on entend le chat également, oui. C'est noté. Ben, je vous laisse à la ménagerie au Monde Sauvage des Wailles et je vous dis à bientôt. Salut Pascal. Merci, à bientôt. Bonne journée. Bonjour à toute la petite bande. On vous embrasse. Dans un instant, grâce à la radio Viva, vous pourrez écouter l'actu musicale de Julie Compagnon. Un budget. Un projet. Visitez notre showroom. Condition 30e anniversaire. Jusqu'à 5000 euros d'avantage. Véranda Confort. Ma solution. Info verandaconfort.be. Une concession automobile qui offre 3 ans de garantie et lave gratuitement votre voiture ? Non, vous ne rêvez pas. Chez Land Rover Drogenboss, à l'achat d'une Land Rover de stock, vous recevez 3 ans de garantie, plus 3 ans de garouage gratuit. Découvrez notre vaste assortiment de modèles en stock chez Land Rover Drogenboss. Offre valable également chez Land Rover Brussels à Zaventem et Waterloo. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. Nouveau, Komiyakaza Delicious. Réservez un moment rien que pour vous et savourez la lasagne royale, les raviolis di marais ou les farfales pancetta formaggio. Komiyakaza. Apportez un peu de chaleur. Chérie, combien de temps avant 22h ? 8 secondes, t'es prête ? Ça fait une heure que je suis prête. 5, 4, tu peux le faire, 3, tu peux le faire. 2, 1, et c'est parti ! Ouf, nickel. Patrick, t'as bien mis le programme délicat ? Je sais plus. Arrête-moi ça ! Arrête-moi ça ! N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. Jusqu'au 31 octobre, achetez une voiture d'occasion BMW Premium Selection et profitez d'une garantie prolongée jusqu'en 2020. Plus d'infos sur bmw.be. Jusqu'à 9h, le 8-9. La question d'intérêt général, si vous arrêtez de manger la fraise Tagada amenée par notre invité. Je crois que c'est pas ta fraise. Le footballeur Olivier Descacques aurait donc bien parié lui-même de l'argent sur les résultats de sa propre équipe. Comment nommeriez-vous ce dossier ? Pierre Van Meyrague propose notre drame de Paris. Jean-Marie Langlais, tout le monde veut prendre sa passe. Pas mal, pas mal. L'accueil du jour, Kim Kardashian s'est fait dérober pour 9 millions de bijoux. Comment titreriez-vous le rapport de police ? Les e-books ? Bon, répondez sur... Les genoux. C'était des bijoux. Répondez sur la page Facebook du 8-9. La réponse la plus sympa est épinglée demain matin. Et sur vivacité.be, c'est la revue de presse, toute l'équipe qui commente les journaux de ce matin, notamment celui qu'on appelle désormais Herstal le mangeur de nez. Il se dispute avec sa femme et lui mange le nez. C'est pas une blague, c'est pas une blague. 8h55, Jérôme ne s'en est pas remis. Je vous sens ému. Non, non, passons à l'actu musicale. C'est surtout qu'on a votre avis dans la revue de presse. Comme, oui, non, je n'ai aucun avis. Si on parle pas ici du mangeur de nez ou d'autres. Bon, 8h55, l'actu musicale. Oui. Robbie Williams is back. Is back. Il revient avec un 12e album studio depuis les Take That. Hein. Ça s'appellera The Heavy Entertainment Show. C'est prévu pour le 4 novembre. Et là, avec son premier single, il nous invite à faire la fête, mais à faire la fête comme un russe. Alors, dans la chanson, des envolées de cœur façon armée rouge sur un air de Sergueï Prokofiev, que vous connaissez bien, Benjamin. C'est un compositeur russe qui est mort déjà depuis 53. Alors, des cordes classiques puissantes. Alors, ça va tellement vite. Dans le clip, ça c'est pour la représentation mentale pour ceux qui nous écoutent. Il y a de jolies poupées russes, hein, ballerines. Lui, il est déguisé en oligarque russe, un peu détraqué. Bref, faites-vous votre image en écoutant ce titre, Party Like a Russian. Discussion, dance like he got concussion. Oh, bah, c'est pas mal parce que c'est inattendu. J'adore. C'est une habile intégration russe dans le truc, c'est absolument. Pas mal. Vous trouvez comment, Sarah? Pas mal, oui, étonnant. Ouais. Étonnant. Étonnant, ouais. Pas mal. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment très sympa. Enfin, la première écoute, j'étais un peu surprise, effectivement. La deuxième, j'ai directement accroché. En tout cas, l'album contiendra 11 pistes et autant de surprises parce qu'il fait un duo virtuel avec Serge Gainsbourg. Et il y a aussi Ed Sheeran qui figure dans les crédits. Donc voilà, une belle surprise qui nous attend le 4 novembre avec Robbie Williams. Je m'excuse, mais Prokofiev, Pierre et le Loup, ça date de 1936. Hein. Eh oui, 1936. Ça date pas d'hier. Hein. Ça ne date pas d'hier. Oui, monsieur, parce que la culture générale, oui, c'est aussi ici. Mais il en est mort. Hein. Oui, c'est vrai. Il en est mort. C'est, ouais. C'est vrai. La musique classique tue, je ne saurais que trop vous le rappeler. C'est pour ça que ce matin, dans l'actu musicale, il y a aussi Kid Noise. Il y a Kid Noise. Alors, Kid Noise, c'est le singe. Hein. Vous souvenez, c'est un homme avec singe, une tête de singe. C'est aussi un DJ producteur belge hyper doué. Et donc, comme je le disais, c'est l'ancienne moitié du groupe Joshua, les coachs de la première saison de The Voice Belgique. Là, il vient avec. C'est pas le black, c'est l'autre. Ça va tellement. Ouais, exactement. Oui, ça file. Et donc, c'est lui sous le singe. Oui, c'est lui sous le singe. Pas exactement. Le black, hein, l'autre. Hein. Oui, oui. Et donc là, ils sortent un titre qui s'appelle Do You Know, qui est issu de leur premier album Dream Culture, qui est sorti vendredi dernier. Donc écoutez, Do You Know, à mon avis, ça va cartonner. Parce qu'on dirait pas que c'est belge. Donc non, ça veut dire que c'est belge. Un truc qui peut s'exporter à fond. Absolument. Et en plus, il a enregistré son clip au Japon. Il est assez réussi. Donc je vous invite à aller le regarder sur YouTube quand vous avez l'occasion. En tout cas, si vous aimez, vous pourrez aller l'applaudir le 24 février à l'ancienne Belgique, à Bruxelles. Et puis un mot rapide sur Simple Minds. Ah oui, Simple Minds sort un album avec tous ses anciens succès en version acoustique. Et là, on a donc le titre Promise You a Miracle en duo avec Katie Tunstall. Écoutez, c'est, moi j'aime bien. J'aime bien. En fait, ouais, elle a repris pas mal de chansons des Simple Minds parce qu'elle fait beaucoup de reprises, hein, Katie Tunstall, ouais, avec sa pédale loop et sa guitare. Et ils se sont rencontrés sur cette chanson et je trouve que l'effet est vachement bien. C'est vrai que c'est tout à fait différent de ce qu'a pu faire, ouais, Simple Minds dans les années 80, mais ici, voilà, ils vont ressortir notamment Alive and Kicking, Don't You Forget About Me. Donc voilà, tous des titres qui ont bercé notre jeunesse. Uniquement duo ou alors Non, ils font des collaborations avec plusieurs artistes, mais ici c'est avec Katie Tunstall. Bah, rarement vous êtes venu avec trois bons trucs qui ont fait consensus autour de la table. Ah bah voilà. Bah, vous serez payé pour une fois. Ah bah bravo. Merci. Vous entendez ? La fête continue pour les 25 ans d'Intermarché. Encore 4 semaines de produits gratuits et de super promos, comme le rôti de bœuf origine Belgique à moins 40%, soit seulement 9,49€ le kilo. Intermarché, depuis 25 ans, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaires en magasin. Pour un instant gourmand et ensoleillé, Picard. Les surgelés Picard, chaque jour un goût nouveau. Picard.be. Ah, Denis, parce que je me sens seul. Vous vous souvenez quand même de Pierre et le Loup? Ah, ben quand même. Ah, ben quand même, bon sang. C'était de notre temps, ça. C'est ça. C'était mieux avant. Bon, alors pour aujourd'hui. Oh bah écoutez, c'était moins bien hier, tiens, par contre, puisque hier il y avait encore des averses et de fines pluies. Aujourd'hui on a un temps sec, alors c'est très nuageux sur, je vais dire, le nord du Sillon-Sambre-et-Meuse. C'est bien dégagé au sud de celui-ci et au fil des heures, les éclaircies devraient quand même gagner du terrain sur le centre aussi. On attend 13 à 17 ou 18 degrés, le vent d'est est bien présent, modéré, il sera un petit peu piquant. Demain, le soleil sera généreux partout, 10 à 15 degrés. Pour la fin de la semaine, on attend un temps sec et avec quand même pas mal de nuages et une moyenne de 10 à 14 degrés. Viva 9h! Viva le journal, Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et le bras de fer qui est donc engagé entre la direction d'ING et les syndicats. La direction voulait commencer les négociations dès aujourd'hui. Les syndicats l'ont envoyé balader. Ils veulent d'abord étudier tous les arguments pour préparer.